PH. Tout de suite, histoire vivante sur la première. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, le petit fait encore des siennes. La diplomatie et l'influence par le chéquier. On estime à peu près à 50 milliards de dollars les excédents financiers annuels du Qatar. Retour sur le Qatar. Qui cherchent à se positionner comme une puissance influente. Ils se disent que si les autorités du Koweït avaient organisé la Coupe du Monde en 1990, l'Irak ne les aurait pas envahis. C'est 1,7 million d'habitants, mais surtout 200 000 autochtones. Ce petit pays voit l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn rompre leurs liens diplomatiques avec lui. Il y a aujourd'hui des associations, des groupes qui, au nom d'une religion ou au nom d'actions caritatives, recueillent des dons privés qu'ils détournent. Si l'émir nous demande notre avis, alors on lui dit sincèrement notre avis. Et s'il ne vous pose pas la question, vous gardez votre avis pour vous, il ne compte pas. Dans la perspective du prochain documentaire d'Histoire vivante, nous revenons sur quelques éléments historiques relatifs au Qatar. Après les dimensions géopolitiques évoquées hier par Nabil El Asri, une autre dimension, historique celle-ci, nous permettant de compléter notre connaissance du petit émirat. Puis-je vous demander de vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Bien, bonjour à tous, je m'appelle Jérôme Lavandier, je suis un ancien militaire et je travaille aujourd'hui dans le secteur des assurances et en parallèle, je fais une thèse de doctorat sur le Qatar. Qu'est-ce qui vous conduit au Qatar? Oh, le Qatar, c'est un hasard, c'est à l'école militaire, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr en France, donc ils forment les officiers de l'armée de terre. On m'avait proposé d'apprendre le dialecte égyptien, et donc j'ai commencé à m'intéresser à l'arabe. J'ai eu comme professeur quelqu'un qui s'appelle Pierre Lafrance, qui est un ambassadeur de France, un des sages du Quai d'Orsay sur le monde arabe. Et au gré de mes études à la fois donc linguistiques pour apprendre l'arabe et découvrir davantage le monde arabo-musulman, il s'était avéré qu'en définitive, la France était avec le Qatar en train de créer un partenariat sur plusieurs plans. On est dans quelles années à peu près? On est dans les années 2004 environ. Et donc l'un des fils de l'ancien émir, donc Cheikh Hamad, donc son fils, Cheikh Johan, se trouvait à venir être formé à Saint-Cyr. Et donc on m'a proposé de devenir en quelque sorte son binôme. Généralement il y a des parrainages qui se font entre élèves. Et par ailleurs, on m'a, puisque à l'école militaire on est formé pour la chose militaire, mais également pour l'école d'officier, on doit acquérir un diplôme, un niveau de master. Donc de me concentrer sur le Qatar, et c'est à ce titre-là que j'ai commencé à faire mon travail de recherche sur le Qatar, donc sur les questions géopolitiques afférentes à ce pays. Pour vous, mettre la main sur ce dossier-là, c'est la promesse de beaucoup de surprises, de beaucoup de découvertes. Vous ouvrez un dossier que vous ne connaissez pas du tout, ou vous avez déjà quelques renseignements à ce sujet? Écoutez, ce qui était amusant, c'est qu'au départ, je souhaitais m'intéresser à Al Jazeera. Al Jazeera, on est donc, je vous l'ai dit, au début des années 2000, donc en 2004. Je rentre à l'école militaire, on est en plein dans le conflit entre les Américains et les Irakiens. Al Jazeera a une caisse de résonance pour ce conflit extraordinaire et moi je souhaite travailler sur ce sujet-là. Naturellement, l'état-major des armées avait trouvé que c'était peut-être un peu trop sensible qu'un jeune officier s'intéresse au monde médiatique, en particulier à Al Jazeera. Donc on m'a suggéré d'élargir un petit peu le périmètre. Si je voulais m'intéresser à Al Jazeera, très bien, mais pas trop. Et que je m'intéresse plutôt à la relation bilatérale franco-qatarienne. Et c'est là où j'ai eu en quelque sorte mon Sherpa, l'ambassadeur, qui m'a dit « Bon, la relation bilatérale, c'est peut-être un peu court, donc intéressons-nous à ce qu'est le Qatar, d'où il vient, et quelque part, comment il s'est transformé, et où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il pourrait aller. » Vous commencez par quoi? Une des premières choses, à Saint-Cyr, il y avait des Qatariens, et je me souviens de ma rencontre avec eux la toute première fois, donc on a 19, 20 ans, et ils me disent « Je viens du Qatar, je dis, mais le Qatar, c'est où ?» Je me suis vraiment posé la question parce que je n'en avais jamais entendu parler. En 2003, septembre 2003, je rencontre pour la première fois des Qatariens, je n'avais jamais entendu parler de ce pays. Impossible de situer Doha sur la carte. À ce moment-là, je pense qu'aujourd'hui ça a bien changé, mais à ce moment-là, je vous promets que quand il m'a dit le Qatar, je me suis demandé si c'était pas une île au milieu de l'océan. Enfin, vraiment, je ne savais rien. Donc je commence par là déjà, repérer sur la carte où c'est. Et là, je découvre voilà, cette petite péninsule coincée, donc, qui est en plein milieu du golfe. Alors pour les uns, persique, pour les autres, golfe arabe. Par lâcheté, je dirais golfe arabo-persique, comme ça tout le monde sera ravi. Et oui, c'est une position centrale. Je découvre par ailleurs, du point de vue militaire, que la plupart des opérations, notamment aériennes, lancées par les Américains sur l'Irak, partent du Qatar. Et donc là, je me rends compte qu'il y a toutes sortes de choses, parce que je m'étais intéressé à Al Jazeera au départ, quand je pensais à Al Jazeera, je n'avais pas encore fait au tout début le lien avec le Qatar. Une sacrée piste d'atterrissage. Oui, en quelque sorte, et c'est vrai, dans un contexte où j'étais encore à cette époque-là officier d'active, c'est vrai que c'était à la fois une belle fenêtre d'opportunité, mais un terrain très sensible où il fallait un peu naviguer à vue entre les exigences du Quai d'Orsay, de nos ministères et des ambassades. Même si vous avez ouvert quelques pages de langue égyptienne, du dialecte égyptien, est-il difficile pour autant, sans la pratique des langues, on viendra probablement à la société bédouine du ouais. Qatar, pour approcher et comprendre le pays, est-ce qu'on ne finit pas par ne l'attraper que à très grande hauteur? Comment vous y êtes-vous pris vous-même? Je ne suis pas arabophone parfait, vraiment très loin de là. Je ne vais pas faire de reproche à l'enseignement des langues qui m'a été offert par l'armée. Je n'étais pas voué à devenir un spécialiste des langues. C'est vrai que l'arabe, donc, ce sont plusieurs dialectes, que le dialecte qui est parlé dans le Golfe et au Qatar en particulier est différent de l'arabe égyptien. Je pense que ce qui moi m'a, sauvé par rapport à arriver en tant que francophone non arabophone au Qatar sans connaître, c'est que j'avais des amis qatariens. La différence de beaucoup d'expatriés, je me suis rendu compte en arrivant, donc j'avais été affecté pendant 6 mois à l'ambassade de France au Qatar. Pour donc une mission de recherche liée à Saint-Cyr. J'ai rencontré des expatriés français qui étaient au Qatar depuis plus de 20 ans. En moins de 6 mois, j'étais allé dans des endroits, j'avais découvert des lieux que jamais ces expatriés n'avaient rencontrés. Parce que mes camarades saint-cyriens avaient les clés. Surtout, ce qui est très très important, je pense, à comprendre dans le monde arabe, c'est la question de la confiance. Que dès lors que des liens d'amitié se créent, ils sont sincères et forts, et que si vous êtes l'ami de quelqu'un, vous êtes l'ami de ses frères, de ses cousins. Et donc je me suis retrouvé à être pris par la main par toute une foule de Qatariens. Alors à l'époque, plutôt des jeunes hommes, parce que à cette époque-là, il n'y avait absolument pas de possibilité de contact avec les jeunes femmes. C'est quelque chose qui a changé depuis, par ailleurs. Il est possible désormais de rencontrer, de discuter, d'échanger avec des Qatariens. Ça, c'était pas possible. Donc en moins de 10 ans, ça a déjà changé. Mais voilà, ce qui m'a sauvé, c'est d'être pris par la main, de pouvoir rencontrer, découvrir comment ils vivaient, découvrir, vous avez parlé tout à l'heure de ce monde bédouin, et découvrir les bédouins, parce qu'il y a encore cet héritage-là, mais les bédouins du début du troisième millénaire, après l'exploitation des hydrocarbures, parce que naturellement, on est très loin d'être sous la tente, en train de manger des dattes et de boire du café, on se retrouve dans des lieux qui sont parfois sublimes, parfois dans des tentes aménagées en dur à l'extérieur du palais ou de la maison, parce qu'il y a toujours ce lien. Donc c'est ça, moi c'est principalement quelque part le relationnel, cette amitié chaleureuse dont j'ai pu profiter avec les Qatariens. Donc, et surtout, moi je vous l'ai dit, j'avais une vingtaine d'années. Donc voilà, à 20 ans, on ne connaît pas grand-chose, donc j'écoutais, je découvrais, et eux aussi écoutaient, découvraient, c'était vraiment un échange réciproque, et ça a été vraiment très enrichissant. La confiance est donc un sésame, vous semblez nous dire, Jérôme Lavandier. Oui, c'est un sésame sur tous les plans, ce sont des relations dans la durée, ceux qui... Je pense aujourd'hui, voilà, le Qatar qui est vu comme un Eldorado par beaucoup, ceux qui pensent venir faire un coup et repartir, je pense qu'ils se trompent, que beaucoup ont dû d'ailleurs essayer et ne pas y arriver. Non, c'est vraiment des choses qui se travaillent dans la durée. Depuis l'exploitation des hydrocarbures, le Qatar aujourd'hui, il faut comprendre que sur les 2 millions d'habitants qui peuplent cette petite péninsule, il y a... Alors là, les statistiques varient, mais on va dire qu'il y a un peu plus de 200 000 vrais Qatariens. Encore, quand je dis vrais Qatariens, donc des gens qui ont un passeport qatarien, Il faut voir qu'ils ont naturalisé aussi beaucoup d'Iraniens, qu'il y a des gens du Soudan, enfin de la Corne de l'Afrique. Multiplicité. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire démographique. Vous pouvez vous trouver avec des Qatariens qui sont blancs de peau, d'autres qui sont complètement noirs, d'autres qui sont, voilà. Donc, vous avez cette palette des carnations qui traduit cet héritage. On est en zone littorale. Le Qatar, c'est Doha, sa capitale, c'est avant tout un port, un port de pêche, un port d'échange. On est sur des différentes routes. Donc, la route de la soie passe plus au nord. Il y a aussi les questions. Donc, le Qatar, c'était des pêcheurs de perles pour beaucoup. Donc, voilà, il y avait ces échanges commerçants. Certains se sont installés pour faire donc, je parlais des gens de la Corne de l'Afrique, des Indiens également. La cuisine qatarienne, là, je parlais de l'immersion chez les Qatariens. Moi, je suis toujours étonné de voir que la cuisine qatarienne, c'est une cuisine indienne pas très très différente de ce qu'on peut manger au Rajasthan. Voilà, donc c'est vraiment, il y a l'identité qatarienne au départ, en tout cas sur le plan ethnique, c'est beaucoup de mélange. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Connaître, c'est regarder, à défaut de pouvoir écouter, encore que écouter, on peut entendre, même si on ne comprend pas. Jérôme Lavandier, on peut peut-être parfois saisir, sentir, mais apprendre également à regarder, vous nous l'avez déjà indiqué, c'est vrai que la multiplicité des couleurs de peau doit déjà frapper l'œil, mais ce qu'on vous a appris à regarder, et comment ont pu se passer les discussions, puisque vous parlez de longue durée, donc j'imagine là des entretiens qui se répètent. Alors, c'est amusant parce que il y a deux choses. Je pense que, bon, il y a une question de tempérament, la curiosité. Certains sont curieux, d'autres le sont moins. Mais, il y a maintenant prescription, donc je peux en parler. Mais j'avais des consignes étant, puisque j'étais officier. J'étais vu aussi comme l'officier français travaillant à l'ambassade. Donc j'avais des consignes. Et en l'occurrence, quand vous arrivez, on vous dit, bon, alors il faut surtout éviter de parler de religion. Enfin, il y a tout un lot de sujets qu'il faut absolument éviter au nom de la bonne relation bilatérale, et qu'il faut éviter de froisser les susceptibilités. Bon, quand vous vous retrouvez seul, entouré de Qatariens, et eux, en revanche, ils ont vraiment ce jeu de savoir ce que vous pensez, qu'est-ce qui est... Eh bien, au bout d'un moment, je me suis lâché. J'ai commencé à appréhender les sujets de religion, de mœurs, savoir comment ils vivaient. Mais je leur dis, mais je ne vois pas tes sœurs, je ne vois pas ta maman, comment ça se fait. Et là, ce qui est très amusant, c'est que là, donc, ce qui m'était interdit, jamais j'aurais dû poser ces questions-là, j'ai eu des réponses. On m'a dit, bon, mais tu comprends, c'est la tradition chez nous, les femmes, on ne doit pas, voilà, ne se montre pas en public, ma sœur, ma maman, c'est elles qui nous ont préparé le repas qu'on est en train de prendre, mais voilà, elles seront très contentes que je leur raconte ce dont on a parlé, mais, donc ça, c'est un premier point sur la religion, ce qui est très amusant. On est dans un monde, sur le point de vue, du point de vue religieux, le Qatar est wahhabite. Donc le wahhabisme, c'est quelque chose qui est partagé avec l'Arabie Saoudite. 18e siècle. Tout à fait. Et surtout, ce qui est très amusant, c'est de voir le rapport qu'il y a entre comment le Qatar est devenu wahhabite. Il y a eu plusieurs choses. Le Qatar, donc cette petite péninsule, a été auparavant occupée par divers envahisseurs, j'allais dire, étrangers. Depuis les Portugais, les Portugais. Et en particulier, donc, le monde ottoman, donc là, si on parle de la question du wahhabisme, donc les Ottomans sont présents. Et donc, à cette époque-là, le Qatar est inféodé à la petite île voisine de Bahreïn. Donc, il y a des conflits entre les Ottomans. On a au même moment le régime saoudien qui est en train de se mettre en place. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée. Mais on a, voilà, des lignes de tension et le Qatar se retrouve au carrefour de ces lignes de tension. Et les Qatariens ont donc leurs différents souverains. Donc, au départ, il n'y avait pas d'émir. D'ailleurs, la famille Al-Thani à l'époque ne s'appelait pas. C'était parce qu'il y a un ancêtre qui s'appelait Mohamed bin Thani. Bin, c'est Mohamed, fils de Thani, qui a été en quelque sorte celui qui est sorti au milieu de ces conflits, comme celui qui a porté haut la parole du peuple de la péninsule. Et ensuite, Bin Thani est devenu, a donné le nom de famille des Al-Thani. La famille s'institue au nom de cet ancêtre-là. Donc on a des ces zones de conflit. On se retrouve à avoir, à un moment donné, donc vraiment un porte-parole, parce que dans les conflits, on a une sorte un leadership venant donc de ce qui va devenir la famille Al-Thani. On a un leadership qui naît, et donc à partir de là, quelqu'un qui est en mesure de négocier, de composer. Donc on a eu tout d'abord une occupation, alors que les Saoudiens étaient, enfin ce qui allait devenir l'Arabie Saoudite, mais les Al-Saoud étaient venus sur la péninsule, étaient en conflit avec les Bahreïn et les Ottomans. Et à ce moment-là, donc, ils occupent la péninsule. Et les Qatariens se soumettent, mais en tout cas, acceptent l'occupant. Et c'est là où on commence à avoir cette... Vous parlez d'intelligence stratégique quand vous dites ça? Ah bah écoutez, ils n'ont pas le choix. Ils sont beaucoup moins nombreux, ils sont complètement envahis. Voilà, c'est pas vraiment... Et surtout, pour rester en vie, levons les mains. Et puis, il faut voir qu'on est dans une zone... La région, ce sont des tribus. Donc, vous n'avez pas nécessairement une cohésion. C'est justement ce qui va changer avec l'avènement de l'ère des Al-Thani, qui va permettre de regrouper, de fédérer les tribus qui occupent la péninsule. Donc, ils sont occupés. L'occupant est wahhabite. Et il se plie à certaines règles. L'occupant se retire. Des années plus tard, au gré des spasmes de ce qui va permettre de créer l'Arabie Saoudite que l'on connaît aujourd'hui, on va avoir à un moment la question qui va se poser de les Saoudiens fédèrent les tribus sur la péninsule arabique et vous avez cette petite péninsule. Pourquoi ne l'absorberaient-ils pas? Ils y ont pensé, ils ont voulu le faire. Est-ce que à l'époque, donc le leader, donc là la famille Al-Thani est désormais reconnue, ce que le leader va accomplir, c'est qu'il va négocier, il va dire écoutez, on se converti, donc c'est le premier émir, hein. c'est Jassim Al-Thani. Quelle époque? On est au... Fin 19e, début 20e. On est dans les années... il devient vraiment... il a le pouvoir en 1876. Son père est encore... Donc le Bin Thani est encore vivant. Son père meurt donc précisément le 18 décembre 1878. Et c'est là où il devient donc Jassim, qu'on appelle aussi Kassim, ça dépend, mais Jassim pour nous. Devient le premier émir du Qatar. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, vu qu'on est sur ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui, la fête nationale du Qatar se fête le 18 décembre. Auparavant, ce n'était pas le cas il y a encore 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement à quelle date ils l'ont changé, mais l'indépendance du Qatar qui a eu lieu donc, le 3 décembre 1971, c'était ça la fête nationale du Qatar. C'était à ce moment-là, le 3 septembre. Donc on a basculé maintenant... On s'est dit qu'il y avait des racines précédentes à cette construction-là. Voilà, l'identité, la naissance du Qatar, c'est pas simplement l'acte d'indépendance, c'est de montrer que c'est... Alors je pense que c'était la volonté de l'ancien émir, c'était aussi de montrer qu'il y avait une antériorité, que c'était pas quelque chose qui datait, parce que dans les années 1971, voilà, ça n'a pas 30 ans. L'idée est vraiment de montrer qu'il y a une antériorité, que le Qatar, ce n'est pas quelque chose qui s'est institué au moment donc du retrait des Britanniques, mais que c'est quelque chose, c'est une longue lutte de composer, donc avec, je l'ai dit, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, les Ottomans. La principauté de Qatar est gouvernée par un monarque absolu, Son Altesse le Cheikh Ahmed Ibn Ali Al-Thani, qui a succédé à son père, encore vivant, mais qu'on disait incapable de gérer le trésor de l'État. Le revenu national annuel est à peu près, pour 1960, de 960 millions de francs suisses, dont un tiers, c'est-à-dire 320 millions, servirait à l'entretien du souverain et de sa parenté qui compte environ 400 personnes. On peut donc considérer que le pétrole de la Qatar Oil Company rapporte personnellement au jeune prince près d'1 million de francs suisses par jour. Un soir, je fus invité à venir présenter mes hommages à Son Altesse le Souverain. Nous avions roulé sur l'autoroute du désert pendant une bonne dizaine de minutes et nous approchions maintenant du palais dont les coupoles et le minaret se détachaient sur le ciel étoilé en néons amandes et framboises. J'avais proposé par écrit un certain nombre de questions au souverain, mais me doutant qu'il ne voudrait pas y répondre, je dissimulai mon magnétophone et enregistrai le petit chœur parlé dont le prince et son interprète nous offrirent le mystérieux spectacle. Son Altesse a écrit des réponses et il préfère que sa voix ne soit pas enregistrée. Bien, alors la première question, Son Altesse est-elle sincèrement convaincue que la découverte du pétrole est un bienfait pour la population du Qatar Ou bien cette soudaine prospérité présente-t-elle un certain nombre de menaces ? La découverte du pétrole a eu un effet direct sur le développement économique et social du pays. Et notre père, le cheikh Ali, voulut consacrer la plus grande partie de ses revenus à la prospérité générale. Certains prétendent que les ressources du pétrole seront épuisées au Qatar d'ici une trentaine d'années. Quelles dispositions le gouvernement compte-t-il prendre si ces prédictions se révèlent exactes ? Son Altesse n'a pas répondu à cette question. Enfin, ma dernière question était celle-ci. En matière de politique générale, quelle est la position de Son Altesse face au plan panarabe du président Nasser ? Aussi, Son Altesse n'a pas voulu répondre à cette question. Eh bien, voulez-vous remercier Son Altesse de son hospitalité et d'avoir bien voulu répondre aux questions que nous lui avons posées. Jérôme Lavandier, pour revenir sur la figure de ce premier émir dont vous nous parliez en première partie d'entretien, premier émir du Qatar, dans un temps fin 19e, mais évidemment il y a les siècles précédents, où les tribus sont encore des tribus qui se voisinent les unes les autres et pas toujours pour le meilleur, essayent de cohabiter tant bien que mal. Cette émergence du leadership, est-ce qu'elle se fait au détriment des autres, ou bien y a-t-il intelligence collective et une forme de reconnaissance ? Oui, ça sera cet homme-là qu'on se choisit. La reconnaissance, il faut voir qu'elle est militaire. Elle est militaire, oui, tout à fait. D'une part, il y a eu donc le jeu diplomatique du père du premier émir, qui est là. Alors, en fait, ce qui s'est passé, tout simplement, Bahreïn, donc j'ai dit le Qatar, la péninsule est inféodée, la petite île voisine. Bahreïn était excédé de voir justement les Qatariens qui n'obéissaient pas. Ils ont commis un raid sur la péninsule. Et ils ont été sanctionnés par les Britanniques. C'est-à-dire que les Britanniques ont sanctionné le raid. Ils ont en l'occurrence demandé à l'émir de Bahreïn de se retirer au profit de son fils. Ça, c'est un premier point. Donc une sanction directe au niveau du régime. Voilà, on change la tête du régime. Et par ailleurs, les Britanniques reconnaissent le leader qatarien. Donc ils discutent avec lui. Ça, c'est une reconnaissance donc externe. Ça, c'est une reconnaissance externe, effectivement. La reconnaissance interne, elle vient justement avec le fils, dans le conflit qui se crée avec les Ottomans. Mais le conflit... Qui est donc le conflit suivant. Qui est exactement. Donc on est dans le raid, l'assaut de Bahreïn, c'est en 1867. Le conflit avec les Ottomans, on est dans les années 1890. Et ça va donc jusqu'au point, donc vraiment, donc le fils était considéré comme le responsable de la zone ottomane donc du Qatar, qui correspondait au Qatar. Il était gouverneur de Doha, et de plus en plus, il a pris ses distances avec les Ottomans, ce qui les a exaspérés, et là, il y a eu un conflit. Voilà, parce qu'il faut bien indiquer que la relation, au départ, est une sorte de relation de protectorat, le régime ottoman protégeant cette partie du Qatar, jusqu'à ce que... Alors déjà, on est aux confins quasiment, parce que la zone d'influence ottomane dans la région, elle suit la côte est de la péninsule arabique, passe par la péninsule, ils s'arrêtent là. Ouais. Ils ne vont pas plus loin. Donc là, on est vraiment aux limites de l'Empire ottoman. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette espèce de poste avancé, et donc de plus en plus, je veux dire, les locaux ont à cœur, en quelque sorte, de voir que voilà, la gouvernance qu'on avait aujourd'hui, elle n'est pas vraiment efficace, que c'est une occupation militaire, et qu'on leur impose toutes sortes de choses. Et puis voilà, il y a cette volonté de s'affirmer. Donc c'est vraiment le chef qui émerge, donc qui discute donc avec les... parce que c'est un moment assez étrange. On a les Britanniques qui règnent dans la région, mais on a encore ce bras donc de présence ottomane et les Qatariens composent. Ils ont signé des accords donc avec les Britanniques, et néanmoins, ils sont inféodés à l'Empire ottoman. C'est vraiment un moment assez étrange, et qui, par ailleurs, quand on le regarde aujourd'hui, on voit le Qatar qui a une présence américaine, qui a une population issue du sous-continent indien, donc les Indiens des Pakistanais qui sont là en main-d'œuvre et qu'on pose avec, parce que politiquement, ça leur pose des soucis. Il y a le voisin saoudien, il y a le voisin iranien au nord, et le Qatar compose, ce qui fait que pour beaucoup, ils sont souvent vus comme des sortes d'agents doubles. Les Qatariens se vivent plus comme des sortes de ponts, disons. La péninsule est tellement petite, ne peuvent pas peser autrement. Ils ne peuvent pas se payer le luxe de cesser la conversation avec l'un de leurs voisins. Donc ça, c'était une petite digression, mais pour revenir... N'oubliez pas, vous parlez dans une radio suisse et que ce portrait que vous faites ne sera pas sans émouvoir un certain nombre de nos auditeurs. Je parle de la proportion et puis du talent d'écouter et d'être attentif aux gros qui sont autour. Mais je vous laisse poursuivre, Jérôme Lavandier. C'est effectivement quelques points de remarque. Mais pour revenir donc à notre premier sujet, c'est ça, c'est vraiment donc un coup de force militaire, un combat, et les Qatariens gagnent. Oui, c'est-à-dire c'est la victoire incroyable, en tout cas quand on vous lit, du pot de terre contre le pot de fer. Tout à fait, oui, parce que... Dans le rapport de force, c'est une sorte de rébellion, parce que les Qatariens donc sont... Voilà, ils se sont retrouvés donc dans le système ottoman et se sont retournés contre eux. Bon, comme je vous l'ai dit, on peut relativiser en disant qu'on est quand même dans des postes assez avancés de l'Empire ottoman, mais les Qatariens gagnent. Peu de forces ottomanes sur place, peu de soldats, peu de... Écoutez, là encore, c'est assez délicat parce que les archives ne sont pas... On est plutôt dans des... Alors, encore que je n'ai pas consulté les archives ottomanes, parce que l'Empire ottoman a été quand même... d'une richesse incroyable lorsqu'il s'agit d'archives, mais sur le rapport de force, non, j'ai pas d'indication précise sur ce sujet-là. Ce que l'histoire retient, c'est qu'en 1893, les Qatariens gagnent. Ça, c'est le point clé. Et donc, à partir de là, toutes sortes de choses naissent. En l'occurrence, à ce moment-là, on peut dire que le Qatar reste dans le giron ottoman, mais de fait, c'est déjà fini. En fait, il faut se souvenir qu'en 1902, il se passe des choses un peu plus à l'ouest, c'est-à-dire que Ibn Saoud reprend Riyad aux Ottomans. Et c'est à ce moment-là... Alors Ibn Saoud, il faut juste le situer d'un mot, c'est celui qui va donner son nom à l'Arabie Saoudite, c'est le père en quelque sorte de l'Arabie, chef de tribu des Saouds, et qui devient le père fondateur de... Exactement. Et à ce moment-là, justement, l'émir, donc les Al-Saoud, enfin, ce qui va devenir la famille Al-Saoud, est wahhabite. Et à ce moment-là, donc, le premier émir du Qatar se convertit au wahhabisme. Donc il y a vraiment toujours ce jeu, je me convertis, et par ailleurs, ça arrivera quelques années plus tard, mais non seulement l'émir se convertit, mais il verse un tribut à la famille royale saoudienne, enfin en tout cas aux dirigeants saoudiens, qui est quelque part son assurance vie. Exactement. Mmh. Il achète la paix. Il garantit son territoire, sa souveraineté. Il l'achète. Elle vaut cher, surtout que... Alors, je ne sais pas exactement le... Je ne vous demande pas le montant, évidemment. Non, mais en l'occurrence, il faut voir que ce sont des années d'efforts, j'allais dire, d'une famille, d'un clan, qui a réussi un tour de force incroyable de s'imposer sur la péninsule, de commencer à fédérer, donc à se faire reconnaître par les membres de leur propre tribu comme les leaders, d'en prendre le leadership et d'avoir vraiment les prérogatives sur leur territoire. Ça ne va pas durer, il faut voir que quelques années plus tard, les Saoudiens vont redemander, alors là pour le coup, ils vont envoyer une lettre en exigeant, je ne vais pas dire la reddition parce qu'il n'y a pas de conflit, mais ils vont exiger que les Qatariens plient, oui, exactement, qu'à la fois le territoire et le peuple reconnaissent l'autorité du roi d'Arabie Saoudite. Enfin, ça commence à bien faire. En fait, c'est étouffé dans l'œuf parce qu'à ce moment-là commence la Deuxième Guerre mondiale. C'est aussi simple que ça. Et donc la Deuxième Guerre mondiale fait que cette espèce d'affront va être oubliée parce que des enjeux beaucoup plus grands les absorbent. Absolument. Mais il faut voir que les Saoudiens étaient allés jusque-là et on est vraiment à la fin des années 30. Demain, nous retrouverons à ce même micro Jérôme Lavandier. Par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.